Bienvenue dans notre émission de cet après-midi. Nous sommes à l'Alliance française où nous serons avec deux personnes qui vont nous parler de l'Alliance française, bien sûr, mais surtout du volet culturel. Bon après-midi. Bon après-midi. Pourriez-vous vous présenter aux auditeurs ? Oui, moi je m'appelle Didier Garungu. Je travaille à l'Alliance franco-burundaise de Gitega comme coordinateur pédagogique et culturel. Je m'appelle Fabiola Ndinda Magambo, je suis médiathécaire. Commençons alors avec notre volet qui nous intéresse. Avant, pourriez-vous parler en bref de ce que c'est l'Alliance française ? Merci. L'Alliance française, c'est un établissement culturel et linguistique. Donc, on enseigne des cours de langue, notamment le Kirundi, ne soyez pas étonnés. Le Kiswahili et le français. Mais aussi, à part ça, on a une bibliothèque riche en ouvrages, que ce soit pédagogiques ou même d'autres ouvrages utilitaires. On a un espace de cinéma ou information. On organise des formations d'informatique, tout comme je l'ai dit auparavant, Kirundi, français et Kiswahili. Donc c'est un établissement qui est au service de la population de Gitega, mais aussi des environs. Et je me dis qu'on est au service de tout le pays. Je précise aussi que dans nos priorités, nous avons des programmes de promotion de l'appui de l'enseignement au secondaire, donc via des concours vraiment de manière très, très engagée. On aide les enfants à se perfectionner dans la langue française. Et comme vous le savez, la langue française au Burundi, c'est une langue d'enseignement. Et donc, on fait notre mieux pour que cette langue soit connue au maximum, pour que les enfants aient de bons résultats. Y aurait-il quelque chose à ajouter sur ça? En paix de mots, il vient de tout dire. Juste c'est pour préciser que cet établissement travaille pour la promotion de la langue française et de la culture. Comme il est coordinateur pédagogique et culturel, il a bien dit. Quelles sont les activités culturelles que vous avez et comment les organisez-vous? Les activités culturelles vraiment sont de manière très diversifiée ici à l'Alliance française. Et bon, je peux citer quelques-unes pour permettre de comprendre davantage. Je précise que chaque semaine, on a une série d'activités, dont des cinémas. On projette des cinémas, surtout à caractère pédagogique, pour les publics, surtout au lycée et collégiens. Et donc, on a une programmation vraiment hebdomadaire. Chaque semaine, on a des films à projeter. Donc oui, dans la salle TV5, il y en a qui sont programmés le mercredi, le jeudi, le vendredi et même le samedi. Mais de temps en temps, on fait des sorties. Par exemple, demain, on sera au quartier Magarama. Donc ça, c'est un aspect. Mais aussi, on a d'autres aspects donc sur lesquels nous nous appuyons pour développer ce volet culturel. Là, je peux dire par exemple l'appui des clubs culturels dans les écoles. Certaines écoles ont des clubs culturels. Et donc nous, de temps en temps, on s'associe à eux dans des spectacles, dans des activités qui sont organisées dans ces écoles. Et puis, pour leur dire que ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose de bien, aller de l'avant. Et voilà, on travaille vraiment ensemble. Et c'est arrivé, par exemple, il y a quelques mois, on a participé à une soirée culturelle à l'école normale de Mouya. Ça s'est très bien passé et maintenant on est en train même de préparer d'autres veillées dans quelques écoles ici à Gitega. On a un autre projet, cette fois-ci pas de travailler dans une école mais plutôt de travailler à la fois dans plusieurs écoles, que ce soit une activité qui regroupe toutes les écoles et pour une même activité. Donc on est en train de travailler sur ça. Et comme on parle de l'aspect culturel et artistique, je précise aussi que nous appuyons certaines initiatives des artistes locaux. Ça veut dire, vous voyez, dans nos espaces, il y a des artistes qui vendent leurs produits. Ceci, c'est quelque chose qui montre qu'on est vraiment de leur côté. Auparavant, ils étaient éparpillés ici et là. Les gens ne parvenaient pas à savoir où les trouver. Mais maintenant, ensemble, en groupe, c'est facile de savoir tel à ça, tel... si on a besoin de ça, on peut s'approvisionner auprès de tel. Voilà. Ces produits artistiques dont vous parlez, c'est quoi exactement? Parce qu'on aimerait que ça soit un peu plus précis. Oui. Bon, sans toutefois trop entrer en détail, on a des artistes ici qui ont des produits en bois, donc sculptés. Il y a des produits qui sont à base de matières vraiment locales, très locales, mais qui sont confectionnés de manière que ce soit vraiment des produits à vendre et qui sont de bonne qualité, notamment les produits de la vannerie. Et c'est surtout ça, les produits à base des cornes de vaches. Et donc, quand on fait un tour, on peut vraiment trouver à quel point l'art est présent auprès de nos artistes. Mais à part ça, c'est arrivé qu'on organise des expositions. On invite les artistes, ils présentent leurs produits, des expositions vendent, et en même temps ils les vendent. Et on a eu cette expérience notamment avec l'école secondaire technique d'art de Nitega, une exposition qui a vraiment frappé beaucoup de monde, et même des gens de l'extérieur. Et donc c'est pour montrer à quel point nous mettons un accent particulier sur ces artistes. Là, je ne dis pas qu'il y a de temps en temps, on leur donne des conseils, on publie leurs nouveaux produits. De temps en temps, c'est pas très tous les jours, mais c'est arrivé qu'on le fasse. J'ai dit que dans les écoles, on travaille avec le club culturel, ainsi de suite. Mais aussi, on organise des concours autour de l'art et de la culture. C'est notamment un concours qu'on a eu sur les jeunes talents. Donc on invite les élèves à montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables de faire, donc dans le domaine artistique. Et vraiment, on a trouvé que c'est vraiment un concours à talent. Donc c'est arrivé plusieurs fois. En dehors même des écoles, il y a deux groupes culturels que nous soutenons, que nous appuyons vraiment quotidiennement. C'est des groupes de danse Sarkizo et Nyambo Agency. Ces deux groupes, on leur a offert un espace de travail ici et ils se préparent à des spectacles. Et puis nous, c'est notre plaisir de les voir en train de contribuer aussi avec leur savoir au public de Gitega. Commençons sur ces clubs, quand ils font des répétitions, quand ils font des spectacles, comment est-ce qu'eux ils gagnent? Quel est leur tout ça? D'abord, on a trouvé que c'est une organisation, ce sont des organisations qui se forment d'abord, ce qui est bien, au sein de la jeunesse. Si on parvient à avoir un groupe de jeunes qui s'organisent, on va faire un événement, ils se préparent. Et c'est vraiment déjà c'est déjà le premier gain que je trouve. Et puis, en deuxième lieu, même si ils ne gagnent pas beaucoup, ils font des entrées quand ils organisent des spectacles. Et je me dis que c'est quelque chose à encourager. S'il y a des jeunes qui peuvent travailler jusqu'à gagner un tout petit peu d'argent, je me dis que c'est des initiatives vraiment à soutenir. Est-ce que dans la médiathèque, il y a l'aspect culturel? Bien sûr. La médiathèque organise des animations diversifiées et parmi ces animations, il y a des animations qui font partie des activités culturelles. C'est le cas des contes pour les petits-enfants, c'est des concours organisés. Par exemple, l'apprentissage du français par le dessin. Il a pour expliquer une expression aux enfants, on leur demande de dessiner. Par exemple, si on demande à un enfant de dessine-moi une expression, avoir un verre dans le nez. Directement, il prend le temps pour faire son dessin et en même temps, la mémoire enregistre cette expression. Revenons sur le programme. Des fois, comme vous l'avez dit, vous vous dirigez vers ces écoles. C'est vous qui avez fait cette initiative ou c'est parce que ces jeunes ne se déplacent pas pour venir ici? Bon, c'est plutôt quand on fait ça, c'est pour montrer que nous aussi, nous pouvons aller vers notre public. Il ne faut pas seulement que le public vienne vers nous, mais nous aussi, on a aussi cette envie d'aller auprès du public. C'est plutôt lié à l'organisation. Tout le monde ne peut pas venir ici. Hein. Donc, de temps en temps, quand il y a des facilités, nous-mêmes, nous nous déplaçons vers ces écoles. Est-ce qu'il y a un cas d'un artiste que vous avez peut-être soutenu, que vous pouvez donner comme mon exemple? Non, je ne trouve pas facilement un nom d'un artiste qu'on aurait vraiment soutenu. Mais plutôt, nous, on privilégie l'aspect associatif. On travaille souvent avec, par exemple, l'Amica des musiciens de Gitega en organisant ce qu'on appelle la fête de la musique. La fête de la musique, c'est une grande fête, d'ailleurs, qui a lieu le mois de juin, le 21 juin de chaque année. Et donc, nous aussi, c'est devenu une coutume. On célèbre la fête chaque année. Alors, nous, notre contribution, c'est d'abord d'inviter les artistes chanteurs à participer dans cette fête. Parce que il y en a qui n'étaient pas vraiment motivés à participer dans cette fête. Et nous, la première chose, c'est la sensibilisation. On fait des réunions avec les artistes, on leur dit c'est votre fête. Si c'est votre fête, pourquoi ne pas y participer? Vous voulez que quelqu'un d'autre participe à votre place? Non. Donc la première chose qu'on fait, c'est la sensibilisation. On essaie d'intéresser le maximum possible d'artistes. Le deuxième aspect sur lequel nous intervenons, c'est l'aspect organisationnel. On est une organisation, on est habitué à vivre des activités pareilles, donc on n'a pas vraiment à organiser ces artistes pour que ça soit vraiment une fête de renom. Et le troisième aspect, c'est plutôt l'aspect lié à l'argent. Un événement pareil, ça demande énormément d'argent. Et donc, l'Alliance s'investit pour que tout le matériel dont on peut avoir besoin dans la fête puisse être disponible. Notamment, il y a des instruments de musique. Et ce n'est pas n'importe quels instruments, c'est vraiment des instruments qui sont puissants. Et donc là, c'est à la charge de l'Alliance. Mais aussi, après la fête, il faut que les artistes au moins aient le temps d'évaluer ensemble comment était la fête. Tout cela, c'est à la charge de l'Alliance. Donc, on privilégie plutôt l'aspect associatif que l'aspect individuel. Alors, parlons des difficultés. Quel genre de difficultés, quel genre de défis rencontrez-vous au quotidien dans l'élaboration de ces programmes dont tu nous as déjà parlé? L'Alliance française, elle est encore jeune, donc elle date de 2010, oui, c'est 7 ans à peine. Et donc, on se constitue encore. On n'est pas très nombreux, Vous avez vu qu'on a une petite équipe, et mais malgré ça, on essaie de faire le maximum possible. Donc, ça me demande vraiment un peu d'énergie supplémentaire pour pouvoir y arriver. Et l'autre aspect, c'est comme toujours, on est limité par les moyens. On aimerait faire beaucoup plus, mais les moyens, de temps en temps, ne le permettent pas. Donc, ça peut aussi être un handicap à nos activités. Sinon, on voit qu'il y a une évolution d'année en année. Les gens, les artistes, on se comprend mieux, on se comprend très bien. Les difficultés qu'on avait quand on a commencé à venir à l'édition de la fête de la musique ici, on n'a pas les mêmes difficultés maintenant. Donc ça veut dire qu'on a évolué, et donc les artistes aussi, et ce qui est une bonne chose pour le futur. Quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous projetez faire à court et à long terme dans ces activités culturelles? Les activités, je peux dire qu'on en a vraiment. On en a vraiment. Et on voudrait bien que dans le futur, les artistes puissent vivre de leur art. C'est vraiment notre vision. Comment comptez-vous arriver à ce stade? C'est pas très facile, mais on organise des ateliers ici, et même pour organiser la fête de la musique, par exemple, on organise des ateliers, on invite les artistes, on invite aussi des aînés dans la musique, ils nous ouvrent les horizons. On veut que les artistes soient vraiment professionnels, qu'ils sachent ce qu'ils font, qu'ils sachent où ils vont, pour que dans les années à venir, ils puissent vivre de leur métier, de leur art. Pas un combat facile, mais on a vraiment confiance en nous, dans les artistes aussi, qu'on y arrivera. C'est petit à petit avec le travail. Déjà, on sensibilise les artistes chanteurs. Là, on parle de la musique. On insiste sur la qualité de leurs chansons. Il faut déjà soigner leurs chansons. On en parle souvent. Et donc, ils sont conscients. Et tout commence par là. Et on espère qu'on y arrivera. À court terme, j'ai dit, de la fête de la musique, c'est très bientôt, au mois de juin. Là, c'est à court terme. Donc, on espère aussi aller dans les écoles pour des activités, des soirées culturelles. On a, par exemple, vu à quel point le slam pouvait toucher aux gens. Le slam, c'est une forme de poésie. Et on l'a initié il n'y a pas très longtemps, mais on a vu à quel point ça peut toucher aux gens. Donc on est en train, par exemple, de vulgariser cette forme d'expression dans différents publics scolaires, et donc j'espère même qu'on va organiser un spectacle sur ça. Donc on est en contact avec pas mal d'écoles pour des soirées culturelles dans leurs écoles, on dit. Bon, j'ai pas dit aussi que nous aimerions aussi que notre jeunesse s'implique davantage ou travaille davantage sur le métier de journalisme. On a un journal scolaire ici et bientôt on va sortir la quatrième édition. Donc on organise des ateliers là aussi, d'écriture, puis ça marche très bien. On a produit dans 4 numéros, le quatrième va sortir d'ici peu. Donc tout cela, c'est des projets qu'on veut développer pour que notre jeunesse soit vraiment une jeunesse forte et que ce soit une jeunesse qui sera utile à la société burundaise et au monde entier. Parmi les difficultés, je m'attendais à un besoin d'une salle qui peut accueillir beaucoup de monde. Est-ce que vous avez ici à Gitega une salle qui peut réunir beaucoup de gens? Parce que la salle que je vois à côté, je me dis qu'elle n'accueille pas un grand monde. C'est vrai, et c'est aussi vraiment un défi pour nous. Bon, à Gitega, c'est vrai, on n'a pas vraiment une salle qui est dédiée aux activités culturelles. Bon, on n'a pas une promesse de demain, mais quand même, on espère que un jour ou l'autre, ça arrivera. Ça arrivera quand même, c'est un défi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais on n'a pas encore trouvé de créneau pour en avoir une, mais on garde toujours espoir. Une dernière question, un artiste qui a guidé Ga, qui a besoin d'un coup de pouce, s'il vient chez vous, qu'est-ce que vous pouvez lui procurer ? Bon, d'abord on l'écoute, on aime les gens qui ont des projets, mais tous les projets ne peuvent pas être financés par l'Alliance française, c'est pas possible. Et en plus, j'ai dit, on privilégie l'aspect associatif. Bon, si quelqu'un vient vers nous, on l'écoute. Et puis, si on a des possibilités de lui dire où est-ce qu'il peut aller, comment est-ce qu'il peut faire, vraiment, je pense que ça, on le fait. Donc, l'aspect déjà coaching, je pense que c'est déjà le début de tout. On a des artistes qui sont venus, par exemple, pour nous dire qu'ils préparaient un événement. Donc, même si on n'a pas vraiment donné de l'argent, on sait qu'on a très bien discuté sur comment est-ce qu'ils peuvent faire, déjà avec la forme de la fête, comment est-ce qu'ils peuvent gagner des partenaires, voilà, des conseils pareils. Donc, l'aide n'est pas forcément financière, mais ça peut aussi une être morale. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on fait, et surtout avec les jeunes de Guitéga. Merci pour l'interview. Merci, Prince. Alors, merci aussi, madame, d'avoir participé dans cette émission. Je vous en prie.